casser de base. Culture casser de base, Dream on Steam. I'm gonna get off my bad Dream on Steam. I'm gonna get off my bad Dream Steam. Who has to live a bad Dream Steam? Who has to live a bad side of you? Culture casser de base, side of you. Culture casser de base, solo, solo. Ou à que le patate whisky jean, ou à que le patate ça vaut mieux. Que tu casses une patte ça vaut mieux. Que tu casses une patte j'ai mangé. À bien de la patate j'ai mangé. À bien de la patate whisky jean, ou à que le patate whisky jean, ou à que le patate ça vaut mieux. Que tu casses une patte ça vaut mieux. Que tu casses une patte j'ai mangé. Bye-bye.